du vent, des blessures ouvertes comme des guitares d'amour. Un instant revenu, apportons cette joie ailée, mes brèves de tenue, oh, le brûlant souvenir. Ta belle gaieté résonnant jusqu'au sanctuaire. Ces étreintes de ton âme profonde, d'où jaillit tant d'invocations, qu'il monte de ton cœur comme un encens vibrant. Tes processions ne sont que prières et danses pour la providence. Et je m'agenouille en silence, ébloui par ton amour sous les spirales du vent. Tes processions ne sont que prières et danses pour la providence. Et je m'agenouille en silence, ébloui par ton amour sous les spirales du vent.